vous aimer. Très tôt dans la brousse, les corps sont lâchés. Le monde pourrait demi-tour, n'y a plus d'être humain honnête. Où les âmes solitaires cherchent un peu d'amour dans l'univers du net. Les dehors, ça organise des tournants dans les câbles. Les jeunes prennent pour des vrais proxénètes. Les petites se gardent porno et filment avec leur portable, leur journée. La mère couvre la fille pour le daron, ce monde n'a plus rien de net. Ça se moque, troque, bloque, foque, socle dans les blocs, hein. Ça se moque, escroque, tape la croque ou bloque comme des locs, hein. Génération sans repère, chaque jour le respect se perd. Les jeunes quittent l'école et les parents désespèrent. Un monde sans pitié où le chaos règne. Là où le malheur traîne, les anges ne veulent plus tirer les rênes. Génération sans repère, chaque jour le respect se perd. Les jeunes quittent l'école et les parents désespèrent. Un monde sans pitié où le chaos règne. Là où le malheur traîne, les anges ne veulent plus tirer les rênes. La rue regorge de mal, prend la gorge des jeunes. Les forges plutôt prévues, ça dégorge de souffrance. Dans les foyers soudoyés par le fils ou les fils sont foudroyés, les parents qui prennent sur eux et subissent un supplice de remonter la pente quand l'idée te tourmente que ta fille a fait une tournante qui a mal fini. À présent sa seule envie de mourir, elle se scarifie, n'arrive plus à sourire, c'est pas rare ici de voir des courses perdues entre la thune, la drogue, le sexe, la mode, ça se clarifie. Quand tu vois l'état d'esprit qu'ils adoptent des petits, ta vie la gère-tu, as-tu le sens des vertus, aucune ambition pour le présent. Tu payeras la tirer des rênes, plus de repères. Les jeunes vivent étouffés, engouffrés dans une